La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mardi, deuxième jour de cette semaine Pessoa dans la compagnie des auteurs, une émission qui vous est proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal et Pierre Faucillon. La biographie de Fernando Pessoa ne se résume pas à sa date de naissance, 1888, et à celle de sa mort, 1935. Mais il est vrai que peu de faits repérables viennent troubler la succession des jours qui ont fait son quotidien. Il a vécu dans son œuvre et s'est sacrifié pour elle. Et l'on retient surtout de sa vie qu'il a passé son enfance en Afrique du Sud, à Durban, emmené par sa mère et son beau-père qui y étaient consuls du Portugal. Puis qu'il a participé aux avant-gardes littéraires une fois rentré dans son pays, comme nous l'avons vu hier dans une émission qui est bien entendu à retrouver en podcast. Car c'est bien le Portugal qui constitue le centre géographique et imaginaire de Pessoa. Les mythes de cette nation, la plus vieille d'Europe dans ses frontières actuelles, le touchent en particulier. Tout comme le touche sa ville de Lisbonne et ses cafés qu'il fréquentait tous les jours. Nous en parlerons demain avec Judith Balso et Maria-José de Lancastre. Enfin jeudi, je recevrai Teresa Rita Lopez, grande spécialiste du poète portugais. Elle a dirigé la nouvelle édition de son livre de l'inquiétude, paru il y a peu aux éditions Bourgois. Et aujourd'hui, pour revenir sur l'œuvre de Pessoa et approfondir le thème de l'hétéronymie, nous sommes avec Pascal de Thurins, professeur à l'Université de Strasbourg. Il vient de publier aux éditions L'Atelier Contemporain un essai intitulé « L'œil du monde, image de la fenêtre dans la littérature et la peinture occidentale ». Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous l'invitons pour son essai de 2006, Pessoa, l'œuvre absolue, publié aux éditions Infolio. Infolio où il a par ailleurs également fait paraître un récit « Vita Nova » en 2017. Et des nouvelles, La vie éternelle en 2013. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Encore enfant, j'avais déjà tendance à créer autour de moi un monde fictif, à m'entourer d'amis ou de connaissances qui n'avaient jamais existé. Je ne sais pas, bien sûr, si réellement ils n'ont pas existé ou si c'est moi qui n'existe pas. En ceci, comme en toute chose, on ne doit pas être dogmatique. Depuis que je me connais comme étant ce que j'appelle « moi », je me souviens de définir mentalement, dans leur aspect, leur mouvement, leur caractère et leur histoire, plusieurs personnages irréels qui étaient pour moi aussi visibles et miens que ces choses que nous appelons abusivement, peut-être, la vie réelle. Cette tendance qui me vient depuis que je me rappelle avoir un moi m'a toujours accompagné en changeant un peu le type de musique avec laquelle elle m'enchante, mais en ne modifiant jamais sa façon de m'enchanter. Extrait d'une lettre à Adolfo Casais Montero, lue par Fred Person. Bonjour Pascal de Thurins. Bonjour. Alors cette lettre, elle date de la fin de la vie de Pessoa et elle fait le constat qu'il a vécu depuis son enfance davantage dans la fiction que dans la réalité. C'est toute l'histoire de Pessoa. Oui, et ce serait bien si ça ne pouvait être que la sienne et non pas la nôtre, qui sait. On est là pour en parler. Alors, est-ce que c'est une vie de fiction pure, une vie de refuge dans la fiction ? Lui-même l'a dit dans cette lettre que vous avez citée et qu'on considère comme une lettre testamentaire, hein, la fameuse lettre sur les hétéronymes. C'est une lettre qui est joueuse aussi, puisque Pessoa tente de faire le bilan de sa vie dans ses quelques déclarations. On sait qu'il a consacré toute sa vie à la littérature, à l'écriture. Vous avez parlé de sacrifice d'une existence, et certainement c'est le cas. Il y a de la fiction dans tout ce qu'il écrit, et ses textes sont présentés comme des fictions agencées, inventées par un poète qui lui-même se définissait de ce mot impossible à traduire en français, de fingidor, hein, le feinteur, celui qui invente, qui fait semblant. Donc le thème principal de la fiction de Pessoa, ce serait, Pascal de Thurens, le rapport justement au réel. Qu'est-ce que c'est que le réel? Qu'est-ce que c'est que vivre dans le réel? Oui, c'est une série de questions infinies. La question de la représentation du réel. J'ai le monde en face de moi, je fais comment pour dire ça? Ça, c'est une question que se posent tous les poètes, hein, je crois. Mais Pessoa fait aussi partie de ces poètes difficiles, exigeants, qui nous forcent à le lire, à l'accompagner jusqu'au bout, avec une question, par exemple, comme « qu'est-ce que l'être ?» Mm-hmm. Voilà, je ne sais pas vous, quand vous lisez de la poésie, est-ce que c'est une question que vous posez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de trouver? Pas forcément. Alors, de trouver, sans doute pas. Est-ce que, du coup, on peut dire que Pessoa est un philosophe? Alors, lui-même à la fois l'a dit et l'a contredit. Comme à peu près tout ce qu'il a dit, on trouve un discours et puis l'inverse de ce discours. Alors je serais bien en peine de donner une seule réponse. Ou alors, si vous acceptez la réponse et puis son autocontradiction. Oui, on accepte facilement. Eh bien, c'est très gentil. Alors, il y a chez Pessoa des hétéronymes qui sont des philosophes, ou en tout cas qui se réclament d'une certaine tradition de la philosophie occidentale. On pourra en parler plus avant, plus en détail au cours de l'émission. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, font comme si la philosophie était quelque chose de pas utile dans leur vie. On peut très bien écrire, peut-être même, pourquoi pas, très bien penser, sans avoir lu les philosophes. Et donc, on reviendra sur les philosophes qui pensent que... les hétéronymes qui pensent que la philosophie est importante et ceux qui pensent qu'au contraire, il vaut mieux s'en passer. Mais avant cela, il faut quand même revenir, même si on l'a déjà un peu dit dans l'émission d'hier, sur ce jour triomphal où tout a commencé pour Pessoa le 8 mars 1914. C'est le jour où il invente donc son premier vrai hétéronyme, Pascal de Thurens, Alberto Caeiro. Ah, j'ai eu peur que vous fassiez de moi un hétéronyme de Pessoa, où il invente son premier hétéronyme, Pascal de Thurens. Alors, je ne suis qu'un lecteur et ça pas d'hétéronyme. Formidable. Ah oui, ça aurait été pas mal. J'y ai pas pensé avant de vous avoir rencontré. Mais qui sait? Un apocryphe peut-être. Oui, c'est le jour de la création. Hein, c'est pour lui le Fiat Lux, on peut dire, hein, le moment où la littérature lui tombe dessus. Hein. Il avait déjà beaucoup lu avant, déjà assez écrit. Mais c'est le moment où, on peut dire, se fait chair ce désir de créer. Et de créer non pas comme vous le faites, ou vous, ou peut-être moi de temps en temps, c'est-à-dire de temps en temps, mais tout le temps. Moi, c'est la chose qui m'a fasciné tout de suite quand j'ai rencontré Pessoa au cours de mes lectures. J'ai été sidéré, je veux dire, c'est une expérience poétique qu'on fait peut-être deux fois, trois fois, ou qui sait, peut-être même une fois dans sa vie, c'est possible. Ce besoin incessant de créer. La question de la création, qu'est-ce qui se passe quand on crée? Eh ben, la réponse que nous donne l'œuvre de Pessoa, c'est que quand on commence, ça s'arrête pas. Qui rejoint la question du réel et de comment est-ce que finalement la fiction, c'est aussi peut-être pour certains, en tout cas, aussi réel, voire plus réel que ce que d'habitude on appelle le réel. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, il y a un texte de Pessoa qui date aussi de la fin de sa vie, hein, la période que vous évoquiez à l'instant, où Pessoa reprend un proverbe portugais qui dit que vivre n'est pas nécessaire, mais naviguer est nécessaire. Et Pessoa reprend cet aphorisme en le transformant, en disant que vivre n'est pas nécessaire, ça certainement, mais créer est nécessaire. Voilà. Donc le premier hétéronyme, c'est Alberto Caeiro. On va parler longuement de lui, Pascal de Thurens. Le premier, ou peut-être pas tout à fait quand même, parce que il y en a eu deux autres au moins, qui datent de son enfance. Oui, alors, pour être rassurant, on va s'en tenir à ce chiffre de deux. Il y en a eu deux avant, ce jour de 1914, à vrai dire qui n'ont pas écrit beaucoup de choses, qui n'ont pas écrit énormément. Moi, je soupçonne qu'il y en a eu plus. J'ai pas de preuves à avancer, mais on n'invente pas seulement à l'âge de 26 ans, donc quand on est un homme déjà, ce qui deviendra l'entreprise de toute une vie. Je suis convaincu que Pessoa, très jeune, tout jeune, comme Joyce, comme Proust, comme Kafka, avait l'idée enfant de l'œuvre à venir. En tout cas, quand il est enfant, il y en a deux qu'on connaît, ça c'est sûr. C'est Le Chevalier du Pas, et qui est un Français, et un Anglais qui s'appelle Alexander Search. Voilà. Oui, c'est intéressant de savoir qu'il a commencé par d'autres écrivains que lui, donc des hétéronymes, qui ne sont pas portugais, en effet, enfin de langue portugaise. À partir de Cairo, alors Cairo c'est le premier officiel, le premier important, tous les autres vont arriver, assez vite d'ailleurs. Ce qu'on peut faire pour commencer, c'est rappeler ce que savent tous les lecteurs de Pessoa, c'est que Pessoa a inventé pour ses hétéronymes des biographies, certaines même très détaillées. On a des descriptions physiques de ces écrivains imaginaires. On a des descriptions physiques, donc on sait que certains sont moustachus, d'autres portent un monocle ou un chapeau de paille. On connaît, certains sont morts d'ailleurs, avant Pessoa. D'autres sont morts en même temps que lui. Il y en a un qui est pas mort d'ailleurs. C'est Ricardo Reich. Alors Ricardo Reich, alors lui n'est pas mort, ou en tout cas n'était pas mort en 35 au moment où Pessoa lui-même. Il est peut-être mort aujourd'hui quand même, Ricardo Reich. D'ailleurs, le prix Nobel de littérature José Saramago l'a enterré dans un livre qui s'appelle L'année de la mort de Ricardo Reich. C'est vrai. En 1982, donc on peut considérer que Ricardo Reich a terminé sa carrière de poète et d'apocryphe. Alors en tout ça fait 27 453 textes de tous ces hétéronymes qu'on a retrouvés donc dans cette fameuse malle, ce coffre. Alors il y avait là-dedans des recueils de poésie, de la prose, des fragments de pièces de théâtre. Il y avait des traités de philosophie aussi, Pascal de Thurins, des écrits politiques, des réflexions historiques, des essais, des passages autobiographiques, des horoscopes, j'en passe, et des meilleurs. Mais d'abord, on va écouter un peu de prose, ou plutôt un peu de poésie, du premier hétéronyme, celui du jour si fantastique dont on a parlé tout à l'heure, ce jour triomphal de 1914, un poème donc d'Alberto Cairo. C'est peut-être le dernier jour de ma vie. J'ai salué le soleil en levant la main droite, mais je ne l'ai pas salué pour lui dire adieu, j'ai fait signe que j'aimais bien le voir encore. Rien d'autre. Il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Il n'est pas suffisant de ne pas être aveugle pour voir les arbres et les fleurs. Il faut aussi n'avoir aucune philosophie. Quand il y a philosophie, il n'y a pas d'arbres. Il y a des idées sans plus. Il n'y a que chacun de nous à la manière d'une cave. Il n'y a qu'une fenêtre fermée avec le monde entier au dehors. Ainsi qu'un rêve de ce qui pourrait être vu si la fenêtre venait à s'ouvrir, et qui n'est jamais ce qui est vu lorsque s'ouvre la fenêtre. La Compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait du Gardien des troupeaux, poème d'Alberto Cairo, premier hétéronyme, grand hétéronyme dirons-nous, de Pessoa. Alors évidemment, on vient de l'entendre, ça c'est un poème où le philosophe n'est pas tellement mis en valeur. Alberto Cairo fait partie des hétéronymes de la nature, de l'ici et maintenant, peut-être un peu anti-intellectuel aussi. Alberto Cairo. Alors Cairo, c'est quelqu'un de sidérant parce qu'il est décrit par tous les autres hétéronymes qui l'ont connu comme leur maître. Oui, parce que les hétéronymes se connaissent entre eux. Alors certains se connaissent entre eux, certains même écrivent les uns sur les autres ou font des comptes rendus auprès de Fernando Pessoa, leur inventeur, de textes que les uns ou les autres ont pu écrire. Alors c'est ce que Pessoa appelait sa coterie inexistante. Ce qu'on pourrait appeler, de manière un peu plus large, sa galaxie, parce que une coterie, on imagine volontiers quelques amis réunis autour d'une table, par exemple, mais 70 ou plus, ça commence à faire beaucoup. C'est ça, c'est le nombre d'hétéronymes recensés à l'heure actuelle. Voilà, alors parmi eux, effectivement, Cairo est sans doute le plus important, celui qui est présenté comme le maître. C'est le pape. Oui, c'est ça, voilà. C'est celui qui est à l'origine, celui qui commande, et c'est celui qui sait ce que c'est que la poésie. À tel point d'ailleurs que on s'est demandé si Cairo n'était pas le premier poète parce qu'il était l'initiateur, celui qui allait permettre aux autres d'arriver, parce que quand on est poète, on a besoin d'un autre qui vous prenne par la main et puis qui vous dise, la poésie c'est par là. On pense par exemple à Dante, hein, qui avait besoin de Virgile, par exemple. Hein. Et ben Cairo a joué ce rôle-là de poète initiateur, de poète qui vous emmène avec lui sur ses chemins pour dire simplement une chose, c'est que un fleuve, eh bien c'est un fleuve et ça n'est pas le temps qui s'écoule. Ou un arbre, eh bien c'est cet arbre que vous voyez devant vous, ça peut être un chêne liège, comme il y en a de si beaux dans les forêts portugaises, et ça n'est pas l'activité de la nature en train de se reproduire. Voilà, les choses sont en ce qu'elles sont, et la poésie est simplement une immanence des choses. Elle n'est pas là pour expliquer, ni même pour décrire, mais pour dire ce qui est. Alors, s'il pense comme cela, Alberto Cairo, c'est aussi parce que c'est un autodidacte qui a grandi, vécu dans un petit village du Ribatejo. Ça conduit à ce genre de philosophie. Oui, c'est le poète à l'état sauvage, on peut dire. Hein. C'est un peu Rimbaud de le tirer dans ce sens-là. Mais c'est celui qui n'a pas besoin de salon ou de revue, ou, ni même de public d'ailleurs. Hein. Il écrit pour lui. Il vit chez sa tante, dans une ferme retirée. C'est un ermite. Hein. Sauf que c'est un ermite génial. Avec une malchance, c'est qu'il est malade. Alors il fait venir à lui un médecin, bien sûr, comme on fait quand on est malade. Et ce médecin est Ricardo Reis. Alors il se fait que Ricardo Reis est aussi un hétéronyme, un autre de Pessoa, qui va dire à Pessoa, attendez, là je connais quelqu'un au fond de la campagne qui est un génie absolu. Faudrait que vous le lisiez, faudrait même le publier. Ça vaudrait le coup. Donc c'est Ricardo Reis qui publie Alberto Cairo? Alors, là on joue le jeu de la fiction. Hein. On va dire que, pour simplifier, que une grande partie de l'œuvre de Pessoa, et donc de ses hétéronymes, et n'a pas été publié du vivant de Pessoa. Certains poèmes l'ont été, bien sûr. Mais surtout, ce qui est vertigineux, c'est quand on sait que Pessoa n'a pas cherché absolument à être publié. Certains l'ont comparé de ce point de vue-là à Kafka, mais c'est faux. Hein. C'est un peu notre démarche. Ce qui est certain, c'est que la seule œuvre intégrale et achevée de Pessoa, publiée de son vivant, Message, qui est un recueil hermétique, politique, historique, bref, de l'époque de Salazar, on est en 1934, est une mystification de plus. Mm-hmm. Mais pour le reste, la plupart des textes de Cairo, de Campos, des autres hétéronymes, sont connus seulement des intimes de Pessoa, des revues littéraires qu'il a fondées ou dans lesquelles il a publié. Mais... Alors autre chose sur Alberto Cairo, que vous appelez d'ailleurs l'explorateur ontologique, c'est qu'il est mort très jeune. Et oui. Il est mort à 26 ans, c'est-à-dire au même âge que le grand ami de Pessoa, Mario de Sá Carneiro. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de cette coïncidence? Alors, je ne crois pas, en fait. Il fallait sans doute que Cairo meure jeune pour laisser vivre les autres, pour laisser la place aux autres. Et ça, c'est une constante hein, de l'imaginaire pessoin. C'est que les poètes sont d'abord dans le pur jaillissement. Ils écrivent beaucoup tout de suite. Et puis, peu à peu, la matière va s'épuiser. Alors, on peut toujours imaginer, pourquoi pas, que Pessoa ait laissé Cairo vivre quelques années de plus, 26 ans c'est peu, même après avoir produit une œuvre pareille. Mais Cairo aurait peut-être, c'est comme ça que je l'imagine, il aurait peut-être fini par déprécier sa propre œuvre en disant que il avait tout dit. Il avait tout dit. Ce qu'il avait à dire tient en peu de poèmes. Mmh. Le gardeur de troupeaux, c'est un petit recueil. Et en l'occurrence, on a dit tout à l'heure que ce n'était pas une personne qui valorisait tellement la philosophie, mais il est en même temps l'inventeur d'une espèce de phénoménologie en poésie. Oui. Vous parlez aussi dans votre essai de son existentialisme. Donc c'est aussi en ça qu'il est intéressant, ce personnage, par cette espèce d'ambivalence. Et finalement, c'est un intellectuel sans formation. Alors, est-ce qu'il est un intellectuel? Lui dit que non. Mais je suis prêt à le croire. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de savoir qu'il y a le poète le plus génial de toute la galaxie Pessoa, qui n'est ni un savant, comme d'autres le sont. Il y a des théoriciens chez Pessoa. Il n'est pas non plus un grand voyageur. si vous voulez, c'est Rimbaud avant de quitter Charleville. Enfin bon, on va dire ça comme ça. Il n'est pas non plus quelqu'un qui a besoin de la ville pour faire des relations, pour trouver des éditeurs. Non, rien de tout ça. Cairo, c'est celui qui était venu à la poésie pour dire seulement que la poésie n'est jamais plus haut que le réel. Donc on a Cairo, on a compris que c'était le pape, et le disciple, c'est celui que vous mentionniez tout à l'heure, le premier des disciples en tout cas, Ricardo Reich. Alors lui aussi, il a sa biographie imaginaire, il est né à Porto en 1887, un an avant Pessoa. Il a été élevé dans un collège de jésuites, il est devenu médecin, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé soigner Alberto Cairo. Et puis lui, alors, il n'est pas du tout comme son maître dans un rapport direct avec la nature, il est plutôt dans un rapport avec le passé, avec la culture du passé, Pascal de Thurens. Oui, alors là, complètement. C'est un disciple, il se présente comme ça, hein, il est le disciple, mais comme souvent les disciples, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller ailleurs, qui a besoin d'aller plus loin, pour en quelque sorte parachever la parole du maître. Alors, pour compléter rapidement la biographie de Ricardo Reis, il est médecin et on sait qu'il est amené à quitter le Portugal pour des raisons politiques, puisqu'il est monarchiste. Et après l'instauration de la République au Portugal, ça cause certains problèmes pour lui. Et donc, il va quitter le Portugal pour aller au Brésil, où il vit toujours, je crois, enfin sauf chez Saramago, mais en tout cas, il ne revient pas du vivant de Pessoa au Portugal. Alors, Reis, lui, c'est le poète tourné vers le passé. Il écrit des odes. C'est vrai qu'on écrit des odes en Europe avant la Première Guerre mondiale, mais pas des comme ça. Ses références sont Pindare, Horace. Voilà, donc les grands modèles antiques, il s'agit de revenir à une forme poétique et rythmique parfaitement défini. Je plains et j'admire les traducteurs qui ont rendu si bien en français les odes de Reis, hein, qui sont d'une complexité effrayante, hein, il faut bien le reconnaître. Est-ce que vous avez l'intuition de ce que Pessoa a voulu faire quand il a ouvert cette seconde voie avec cette autre grande hétéronyme? Alors, je me suis longtemps posé la question. J'ai seulement des hypothèses. Je ne sais pas, à vrai dire, mais qui peut le savoir? Déjà, il faut le lire. Il faut lire Reis. Hein. C'est sans doute le moins bien connu de tous parce que c'est le plus exigeant. Reis, c'est celui qui qui dit que toute chose est fuyante, qu'on peut rien retenir de cette existence, que le temps n'existe que parce qu'il n'existe pas encore pour le futur ou parce qu'il n'existe plus comme le passé. Puis le présent, c'est cette minute d'éternité, mais une minute, c'est court quand même. Et alors, il s'agit d'enclore cette angoisse, hein, cette panique, dans une forme qui soit aussi parfaite que si on la gravait dans la pierre. L'image du poète graveur, le stylite, hein, qui grave sa colonne, est très présente dans sa poésie. C'est super, Reis. Pessoa a traversé une crise très forte, une crise psychologique très forte. Et il avait l'intention de se hospitaliser dans un centre, dans un asile psychiatrique, et en profitant d'une loi du gouvernement portugais qui assurait la possibilité d'entrer dans un asile psychiatrique sans gratuitement. Il avait l'intention d'entrer dans une clinique psychiatrique de Cascais, près de Lisbonne. Et il disait à Ophélia qu'il ne pouvait pas résister à l'onde noire, à la vague noire qui avait submergé sa vie. Et curieusement, se passe au même moment où Álvaro de Campos entre d'une manière très violente dans sa vie. Donc il a risqué un peu, je pense, à un certain moment de perdre le contrôle de la situation et de se laisser submerger par ses propres créatures. Le poète, traducteur, écrivain, universitaire Antonio Tabucchi, tracer ici le lien entre la difficulté d'être de Pessoa et son invention de l'hétéronyme Álvaro do Campos, Pascal de Thurins. Qui est-il cet Álvaro do Campos et qu'est-ce qu'il vient faire finalement à ce moment-là par rapport aux autres hétéronymes qui existent déjà dans l'œuvre et dans la vie, puisque c'est un peu la même chose, on le comprend de plus en plus, de Fernando Pessoa. Alors avec Álvaro do Campos, celui qui arrive, hein, dont on va parler un petit peu maintenant, c'est effectivement le fou littéraire. Il se qualifie d'ailleurs très souvent de cette manière-là. Alors Campos est quelqu'un qui a une existence qui est, alors elle, bien connue. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques, on peut dire, dans sa biographie. Alors on sait que c'est un poète qui n'est pas comme les autres, puisque... par rapport aux autres hétéronymes, c'est un voyageur. Pessoa n'a quasiment pas beaucoup quitté Lisbonne à partir de son retour. Mais Campos, lui, est hanté par le démon du voyage. Hein. Il commence par faire un tour du monde. Il a la passion des cargos. Si vous voulez, c'est un peu le Sandrard de la poésie portugaise au départ. Hein. Et puis, il prend de l'opium. Ça lui joue quand même certains vilains tours. Et... de retour au Portugal, eh bien, il a peur de devenir fou. Mais avant, il a pourtant embrassé une carrière assez loin de ces troubles-là, puisque on sait qu'il est diplômé, il est ingénieur naval à Glasgow. C'est comme un élément autobiographique assez précis, assez ponctuel. Donc, Campos fait son tour du monde, écrit des odes. Mais alors des odes qui sont alors tout à fait aux antipodes de celles de Reis, ce sont des odes qui sont démontées, déchaînées. Ils se connaissent aussi, tous les deux? Ah oui, tout le monde se connaît, plus ou moins bien, enfin bon. Mm-hmm. C'est l'anti-Reis, si vous voulez. C'est comme si Pessoa avait eu besoin de Reis pour créer Campos, et inversement. Mm-hmm. Alors c'est l'homme de la modernité, du vitalisme? Voilà. Oui, Campos, c'est l'explosion de démodernité, il crée plusieurs courants littéraires, qu'il défait juste après, d'ailleurs. Il voue d'abord un culte à Marinetti pour le futurisme, mais pas seulement. Et Campos a ceci je trouve, de très touchant. C'est le poète le plus humain, sans doute, de Pessoa, hein, l'hétéronyme le plus proche de vous, lectrice, lecteur, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire qu'il est fasciné par l'éclairage, par la puissance des moteurs, par les avions. Par le tramway. Par le tramway. Voilà. Les gens sont toujours fascinés par le tramway de Lisbonne encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors bien sûr, c'est un tramway qui commence à être un peu vieillissant, mais qui est charmant, ça c'est vrai. Et Campos est comme un volcan en éruption qui s'éteint peu à peu sous vos yeux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a presque plus rien qui vient. Et il se demande si tout ce qu'il a fait avait un sens, si ça servait à quelque chose. Alors il écrit des manifestes, mais ce sont des manifestes terribles, puis ce sont des manifestes contre la poésie. Il envoie un ultimatum à tous les écrivains, à tous les chefs d'État, à tous les penseurs de l'Europe de 1917. Et puis plus rien, il disparaît, jusqu'à ce jour, en 1928, où il écrit l'un des plus beaux poèmes que je connaisse, qui s'appelle « Bureau de tabac », qui est un poème bouleversant, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a de bouleversant, ce poème ? Alors « Bureau de tabac », c'est un long poème qu'il faudrait pouvoir lire, mais... qui se trouve facilement, qui raconte ce que vous voyez quand vous vous penchez à votre fenêtre. Vous regardez dans la rue, bien sûr il ne se passe rien, ni chez vous ni dehors, parce qu'il ne se passe jamais grand-chose. Et puis il aperçoit ce bureau de tabac qui est en face de chez lui, dans lequel une petite fille mange une tablette de chocolat, donc une espèce de banalité du quotidien. Un client rentre, sort, salue le patron. Le patron sort sur le devant de son bureau de tabac, reconnaît Campos, qui le regarde par la fenêtre, et il se salue. Voilà. C'est donc vraiment un poème du quotidien, un poème de la rue, on peut dire, hein, une rue, cette tabacaria, on la retrouverait aujourd'hui à tous les coins de rue à Lisbonne, ou à Paris, pareil. Et ce qu'il y a de bouleversant, c'est qu'il dit que c'est avec ce peu de choses-là qu'il faut que nos vies soient remplies. Voilà. On fait notre vie avec ça. Pascal de Thurins, on va continuer de parler avec vous de Pessoa et de ses hétéronymes. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. compagnie des revues avec vous aujourd'hui, Marin de Viry de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Marin. Bonjour Mathieu. La Revue des Deux Mondes qui se demande ce mois-ci ce qui se fait de neuf du côté de chez le diable. Oui, la Revue des Deux Mondes se pose la question de la diabolisation et de la figure du diable. Un très beau diable en couverture, 19e souhait. La diabolisation en diplomatie, les figures diaboliques de la vie internationale, la diabolisation en religion, en politique, en littérature, en art. Et donc c'est ce phénomène qui, nous ayant frappé, nous a amené à interroger, on va dire, un certain nombre d'autorités sur le sujet. Et il y a donc ce grand dossier et puis un mini dossier sur Georges Bernanos qui le complète assez bien. Georges Bernanos étant l'écrivain qui a le plus fait figurer le diable dans ses romans, sous toutes ses formes et sous toutes ses apparitions. Le grand dossier est précédé d'un entretien d'ailleurs important de Bernard-Henri Lévy par Sébastien Lapac sur la question du sionisme et de l'antisémitisme et du lien entre les deux. Le dossier lui-même, donc, sur le diable, est marqué par un grand entretien avec Rémi Brague, dont on connaît la proximité avec René Girard. René Girard lui-même étant, au fond, ce penseur, comme Rémi Brague, à l'intersection entre les sciences religieuses, l'anthropologie et la philosophie. Et ayant sur le phénomène démoniaque, au fond, un fond de théorie, qui est la théorie mimétique, qui est ici déployée et nuancée par Rémi Brague. Donc c'est l'interview principale. Il y a ensuite un interview de Renaud Girard sur la diabolisation dans les relations internationales. Renaud Girard qui est correspondant de guerre et pour le Figaro et qui donc s'intéresse à la diabolisation dans les relations internationales. Il y a également, alors on passe aux travaux pratiques à l'intérieur de ce dossier, il y a d'autres choses, mais on passe aux travaux pratiques avec l'interview d'un exorciste. Ah, un exorciste, il paraît qu'il y en a de plus en plus des exorcistes. Oui, alors il y a de plus en plus d'exorcistes parce que la demande croît au fur et à mesure où, semble-t-il, le diable œuvre sur les esprits et les corps. Et donc les diocèses ont maintenant trois fois plus d'exorcistes qu'ils n'en avaient il y a une dizaine d'années. Et alors cet exorciste raconte son expérience, dit ce qui lui arrive quotidiennement et a une formule pour résumer son savoir-faire. Vous me demandiez avant l'émission s'il fallait être diplômé exorciste. Je voulais savoir quel était le CV en effet accéder à ce poste. Eh bien, il répond, être exorciste n'exige aucune formation, si ce n'est une bonne connaissance théologique, donc quand même, il vaut mieux avoir lu Les Pères de l'Église. Et il reprend une citation de Saint François de Sales, le réévangélisateur du Chablais bien connu, qui disait, un bon exorciste, c'est un dé à coudre de science, un baril de patience et un océan de compassion. Voilà. Alors, il y a donc le dossier Bernanos, puisqu'il y a deux dossiers quand même ce mois-ci dans la revue des Deux Mondes. Vous avez beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve, que je citerai essentiellement le texte qu'a écrit Frédéric Boyer sur le nihilisme chez Bernanos. Frédéric Boyer qui dirige les éditions POL et qui est un spécialiste d'une certaine façon de Bernanos. C'est également un texte de Sébastien Lapac. Côté littérature, un petit diablotin, Frédéric Becbédé. Alors, BD, effectivement, qui faisait la promotion de son dernier livre, qui est un livre sur le transhumanisme. Alors après, vous tirerez vous-même le lien entre le diable et le transhumanisme. Mais donc, il faisait sa promotion. Cette promotion l'a amené à prendre un verre avec son attaché de presse au Ritz. C'est le jour où des cambrioleurs, ont voulu cambrioler le Ritz. Il n'y a vraiment pas de chance. Et on a cru une attaque terroriste. Et donc, il a passé 2 heures dans les toilettes du Ritz avec son attaché de presse. Et si vous voulez savoir précisément quel était son état d'esprit et ce qui s'est passé, il faut vous procurer la revue. On va le faire rien que pour cette raison. Un mot peut-être sur une revue que nous on connaît bien ici à France Culture et dont vous avez voulu parler de votre propre chef, je dois le dire. Absolument, absolument, sans que rien ne me soit réclamé. Nous avons donc une sorte de double page confraternelle qui s'appelle la Revue des Revues. Bon, il y en a plusieurs cette fois-ci. Il y en a deux dont je voulais parler parce qu'elles sont finalement pas si connues qu'elles le devrait. La première, c'est la revue Filitz des éditions du Rocher, qui s'intéresse dans son numéro actuel, courant, disons, sur le veau d'or, sur le fait que les élites sont des élites qui sont totalement liées à la réussite financière. Et puis l'autre revue, qui s'appelle Papier, qui est trimestrielle, si je ne m'abuse, et qui est la revue de la maison France Culture, qui s'est intéressée ce trimestre-ci à la proximité philosophique, sensible, cognitive entre les hommes et les animaux. Voilà. Excellent, excellent choix. Merci Marin de Viry. On vous retrouve bientôt à ce micro pour parler de la revue des deux mondes. Merci. C'est la suite de La Compagnie des auteurs sur France Culture, au deuxième jour de notre série consacrée au grand poète Fernando Pessoa. Nous sommes avec Pascal de Turins, professeur de littérature comparée à l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, je suis triste comme un bateau noir sous le soleil. Ma joie s'en est allée au loin avec les valises. Mon cœur va et vient dans la maison du silence, ouvrant toutes les portes pour scruter les pièces. Et tout cela qui n'a aucun sens, c'est là le sens essentiel de ma vie. Je me souviens bien de son regard. Elle traverse encore mon âme comme un trait de feu dans la nuit. Je me souviens bien de son regard. Le reste, oui, le reste ne ressemble qu'à la vie. Hier, j'ai arpenté les rues comme n'importe qui. J'ai regardé les vitrines sans m'y intéresser, et je n'ai pas trouvé d'amis avec qui parler. Tout à coup, j'ai vu que j'étais triste, mortellement triste, si triste qu'il m'a semblé qu'il me serait impossible de vivre demain. Non pas que je meure ou me supprime, mais parce qu'il serait impossible de vivre demain. Voilà tout. Je fume, je rêve, bien calé dans le fauteuil. Vivre me fait souffrir comme une position mal commode. Il doit y avoir des îles là-bas au sud des choses, où souffrir est une chose plus douce, où vivre coûte moins à la pensée, et où l'on peut fermer les yeux et s'endormir sous le soleil, et se réveiller sans avoir à penser à des responsabilités sociales. Ni quel jour du mois ou de la semaine on est aujourd'hui. J'abrite dans ma poitrine comme un ennemi que je redoute d'offenser, un cœur exagérément spontané, qui sent tout ce que je rêve comme si c'était réel, qui bat avec son pied la mélodie des chansons qu'entonne ma pensée, chansons tristes comme les rues étroites quand il pleut. Donnez-moi des roses, des lys. Donnez-moi des fleurs, de nombreuses fleurs. N'importe quelle fleur, pourvu qu'elles soient nombreuses. Non, pas même de nombreuses fleurs. Parlez-moi seulement de me donner de nombreuses fleurs. Mais même pas. Écoutez-moi seulement avec patience quand je vous demande de me donner des fleurs. Ainsi soient les fleurs que vous me donnez. Cet extrait du livre de l'intranquillité de Pessoa, lu par Bernard-Pierre Donadieu. Qu'en retenez-vous, Pascal de Turins ? Ah, le livre de l'intranquillité, nous y voilà. Qui vient d'être à nouveau traduit avec ce nouveau titre, peut-être plus clair pour le public français, le livre de l'inquiétude. On en parlera justement jeudi avec oui. Teresa Rita Lopez. C'est souvent par là que l'on entre dans le monde de Pessoa, le livre de l'intranquillité. C'est son grand livre tout de même ? Ah oui. Ah oui, c'est son grand livre, si on accepte que le grand livre soit un livre écrit en prose et non pas en vers. Mmh. Le livre de l'intranquillité, c'est le journal de l'un des hétéronymes de Pessoa, donc, qui s'appelle Bernardo Soares, ou plus exactement, Alors, petite histoire, Pessoa raconte l'avoir rencontré, ce Bernardo Soares, un jour qu'il allait au restaurant à Lisbonne, dans une petite rue, et où il s'aperçoit qu'une personne est en train d'écrire, un peu voûtée, comme ça, ils commencent à discuter l'un avec l'autre, et puis ils s'aperçoivent qu'en réalité, ils ont tous les deux la même vie, ils sont tous les deux en train d'écrire un livre qui est d'ailleurs sans doute le même. Et voilà, les présentations sont faites entre Bernardo Soares et Fernando Pessoa. Alors, voilà deux écrivains qui se ressemblent tellement, mais qui en même temps ne sont pas les mêmes, que Pessoa l'a appelé son demi-hétéronyme, pour ne pas simplifier à l'excès les choses. Voilà, semi-hétéronyme. Alors, c'est un journal comme on peut en tenir, comme les grands écrivains en tiennent, ou en tenaient en tout cas à cette époque-là. Soares, c'est le mélancolique de Lisbonne, hein. C'est ce garçon célibataire qui aimerait aimer, mais voilà, qui sait pas comment on fait, qui se laisse pas porter par la vie non plus. Hein. Alors, au contraire des hétéronymes qu'on a dit jusqu'ici, et chez qui le réel abonde, hein, est en surabondance, Soares, c'est celui qui se met à l'écart, qui prend du recul, hein, qui se dit que finalement, bah demain il vivra peut-être pas, enfin, ou que s'il vit c'est pareil, ça change pas grand chose. Il y a un peu de nihilisme chez Soares. Oh, ce serait un mot pathétique de parler de nihilisme. C'est même pas du Hamlet, si vous voulez, hein. Être ou ne pas être, puisque ça revient au même. Hein, c'est une vie passée à pas grand chose, mais c'est Soares... la vanité finalement. Oui, c'est la vanité, de, mais la vie de tous les jours. Pourquoi finalement se lever après tout? Pourquoi aller travailler? Pourquoi aimer? Alors qu'on pourrait juste ne rien faire, et qu'est-ce que ça changerait? Alors, pourquoi travailler? Ça, c'est une excellente question. Pourquoi aimer? Ça, c'est déjà quand même, il ne faut pas exagérer, on le sait bien. Mais Soares ne le sait pas. Il regarde, par exemple, une jeune femme dans la rue, qui est une lavandière, ou bon, puis il se dit que dans le fond, les fameuses lavandières du Portugal. Oui, ben voilà, ce serait bien de l'épouser, parce qu'elle est jolie, donc pourquoi pas, hein. Ça pourrait être une idée, mais il ne le fait pas. Il y a chez Soares une capacité à l'émerveillement, tout de même, hein, dans une vie qui est faite de routine. C'est l'homme du gris, si vous voulez, mais qui est capable de regarder un très beau crépuscule sur le château Saint-Georges. Si vous connaissez Lisbonne, vous savez donc quelles sont les couleurs, hein, de ce coucher de soleil sur les toits de la ville et sur ses hauteurs. C'est l'homme qui est à l'affût de l'émerveillement. Moi, je l'aime bien, Soares. Hein. Pourquoi écrit-il en prose, Soares? Alors, c'est une prose qui est très poétique, hein. C'est une prose qui est beaucoup plus travaillée encore que le vers des autres hétéronymes. En réalité, Pessoa considérait que le vers n'était qu'une étape pour aller vers la prose. On a vu ça chez Baudelaire, hein, avant lui, enfin, présenté autrement bien sûr, mais la prose, ça n'est pas un pis-aller de l'écriture, hein. Le prosateur est le grand poète. C'est l'auteur du spleen de Lisbonne. Il y a plusieurs, d'ailleurs, possibilités de liens entre Baudelaire et Pessoa, notamment le fait que dans l'enfance, il y a eu ce beau-père qui était un petit peu général au pic pour Pessoa. Est-ce que vous en voyez d'autres? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce serait très long, évidemment, de repérer point par point toutes les traces de Baudelaire chez G. Pessoa, mais elles sont énormes, elles sont partout, depuis certaines images, qui sont d'ailleurs dans Soares. Hein, par exemple, les nuages, hein, vous savez, le premier petit poème en prose, hein, le spleen de Paris de Baudelaire, l'étranger, hein, qui est abasourdi devant la beauté des nuages, et Soares passe beaucoup de temps à regarder la forme des nuages en se disant qu'en fin de compte, les existences humaines ont toutes des formes différentes, mais passent. Et puis, quelle que soit leur forme, ou quelle que soit leur rapidité ou leur lenteur, eh bien, elles sont un peu toutes comme ces nuages qui flottent et qui signifient malgré tout quelque chose. Alors, on a parlé depuis le début de cette émission avec vous, Pascal de Thurens, de quatre hétéronymes, peut-être même un peu plus, de Pessoa, mais on n'a pas parlé quand même de Pessoa lui-même, parce que il signe aussi de son nom, et d'ailleurs à la fin de votre petit essai, vous avez reproduit des signatures des différents hétéronymes qui ont donc été inventés par Pessoa, et il y a aussi la signature de Fernando Pessoa. Quand est-ce qu'il décide, lui, de signer de son propre nom? Alors, il faudrait des jours et des nuits pour évoquer tous les hétéronymes, et je crois que ça n'est pas le but de notre rencontre. Alors, attention, Fernando Pessoa, celui qui a existé, n'est pas Fernando Pessoa lui-même le poète. Pessoa avait besoin d'un poète qui soit plus lui que lui. Un peu comme, vous savez, quand vous avez ces choses tellement difficiles ou tellement intimes à dire, vous ne les diriez pas à tout le monde ou pas avec les mêmes mots que ceux qu'on utilise là maintenant. Et donc, il a inventé ce qu'il appelle en auteur orthonyme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il porte le même nom que lui, c'est le vrai nom, orthonyme. Et donc, il l'a appelé Fernando Pessoa lui-même. Alors, ce Fernando Pessoa lui-même est un peu comme un hétéronyme parmi les autres, sauf que Pessoa lui confie la charge de la part la plus profonde, la plus difficile à dire de lui. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il écrive des poèmes amoureux, Pessoa qui a eu tellement de problèmes avec ça toute sa vie, et bien c'est Fernando Pessoa lui-même qui va s'en charger. Mm-hmm. La partie politique, par exemple, qui est épineuse chez Pessoa, qui est complexe ici, eh bien, c'est souvent Fernando Pessoa lui-même qui va la prendre en charge. Et puis, je ne parle pas de l'œuvre érotique parce que là, on en a pour longtemps. Et vous, alors, lequel préférez-vous ? Eh bien, c'est une question que je me suis longtemps posée. Puis souvent, les étudiants me posent la question, ou moi, je leur pose la question. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez là-dedans ? Alors, les avis divergent, c'est vrai, mais en fin de compte, on est tombé un peu d'accord, eux et moi, pour dire... Vous pouvez pas en prendre un sans les prendre tous. Hein, c'est tout ou rien. Parce que on trouve chez eux tous ceci de commun que il y a cette question, vous savez à quoi sert la littérature? Moi, j'ai mis longtemps avant de savoir, je sais pas si je sais, mais j'ai trouvé cette réponse dans Pessoa. Et Pessoa a écrit, la littérature, c'est la preuve que la vie ne suffit pas. Alors, si c'est vrai que la vie, la mienne par exemple, n'est pas suffisante, alors, il faut que je la remplisse avec le plus de choses possibles. Donc, est-ce que je prendrais juste un hétéronyme ? Non, il me les faut tous. Segue o teu destino, rega as tuas plantas. As tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. A realidade. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Pascal de Turin, s'il est un texte à placer à part dans l'ensemble de l'œuvre orthonyme de Pessoa, c'est peut-être son Faust, car il a écrit aussi du théâtre, Fernando Pessoa, et il a un rapport avec le Faust qui est bien particulier. Ah oui, alors ça vous pouvez le dire Mathieu, effectivement, je riais en arrivant sur le plateau tout à l'heure, puisque vous évoquiez la question du diable en disant, mais tiens, est-ce qu'on trouve le diable chez Pessoa ? Alors il sait qu'il écrit une pièce de théâtre qui s'appelle L'Or du Diable, qui n'est sans doute pas la plus connue, mais l'une des plus célèbres, parce que son thème, évidemment, a traversé les âges, eh bien, s'intitule Faust. Mmh. Alors, avec Faust, évidemment, on n'est jamais très loin du diable, et il y a, bien entendu, Méphisto dans cette pièce, hein, qui est une pièce en éclats. Hein. Elle a été reconstituée un peu comme un puzzle à 2000 pièces. Hein. Un peu comme toute l'œuvre de Pessoa, de toute façon, mais là encore plus parce que, en fait, Pessoa est mort avant d'avoir pu la terminer. Oui, tout à fait. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite un petit peu comme celui de Goethe, hein, à différentes étapes de sa vie, il y est revenu sans cesse. Alors, vous saviez que Faust était un mythe portugais à l'origine. Hein. Non, il n'est pas du tout allemand, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ou en tout cas, c'est ce que Pessoa a écrit. Mm-hmm. Hein, le premier Faust, le plus ancien dans notre tradition, disons, chrétienne européenne, eh bien, c'est un Faust portugais. Ça, c'est le nationalisme de Pessoa dont on parlera demain. Alors, nationalisme qu'il faut bien comprendre. Hein. Mm-hmm. Mais on verra ça demain. Oui, ça me rassure. D'être dispensé d'en parler, c'est tellement compliqué. Disons, pour revenir à cette pièce de Faust, c'est une tragédie dans laquelle vous retrouvez bien sûr le personnage de Goethe, mais où vous retrouvez aussi celui qui a beaucoup intrigué Pessoa, puisqu'il s'est comparé à lui, c'est Shakespeare, en personne, qui apparaît dans la pièce, mais Goethe aussi, qui apparaît dans la pièce de son personnage, et puis vous avez comme ça une conversation entre amis, entre génies, disons, Faust, Pessoa, qui pose certaines questions à Goethe, qui répond pas trop. Et puis Shakespeare, qui est pas non plus toujours à la hauteur des questions qu'on lui pose, essaye de répondre tant bien que mal. Alors, Faust, c'est une tragédie qui pose la question de pourquoi je ne suis qu'une seule personne ? Alors que ce serait tellement mieux si je pouvais être plusieurs. Mmh. On n'est pas très loin de la Pessoa a répondu Pessoa, un petit peu crois, à la question. Quel rapport est-ce qu'il entretenait avec le théâtre ? Est-ce que vous savez s'il allait beaucoup au théâtre à Lisbonne ? Parce que il y a certains de ses hétéronymes, Alvaro de Campoche notamment, qui déteste Georges Bernard Shaw, qui déteste D'Annunzio. Il se prive pas pour le dire. Oui, vous avez parfaitement raison. L'ultimatum de Campos, donc en 1917, c'est un règlement de compte généralisé, adressé à cette Europe culturelle d'avant la Première Guerre, et au premier chef des poètes et des dramaturges. Mais là, on ne peut pas voir du Pessoa lui-même derrière cette espèce de pamphlet anti-théâtre. Pessoa, ce n'est pas un homme de théâtre, hein, c'est un poète, hein, même s'il a dit de lui qu'il était le poète au drame, qu'il était un drame en personne. Hein. On sait bien que ce nom de famille, Pessoa, en portugais, signifie une personne, mais comme vous êtes une personne et moi aussi, qui vient de la persona latine, donc ce masque de théâtre qui est fait pour sonner, personare, pour parler plus fort, comme au théâtre. Je crois que ce qui a intéressé l'exercice théâtral chez Pessoa, c'est le fait qu'une pièce soit toujours un dialogue, même quand il n'y a qu'un seul personnage. Il s'agit d'entendre plusieurs voix et de voir comment ces voix se nouent, se répondent, s'évitent. D'une certaine manière, Pessoa est une mise en scène de lui-même. Hein, mais je dirais pas que c'est un homme de théâtre, ça non. Alors, il avait une admiration illimitée, c'est vrai, pour Shakespeare. Mais enfin, bon, comme tout le monde. Hein. Le grand déchiffreur de l'univers de Pessoa, est-ce que ce n'est pas plutôt Hermès ? Alors, oui, il y a des grands mythes dans son œuvre, des mythes qui s'imposent. Alors, Hermès, moi, il me semble que c'est celui que l'on peut invoquer comme mythe pour déchiffrer la symbolique de l'un de ses recueils qui s'intitule « Message ». On en parlait au début de l'émission. Alors, le Message, c'est un recueil de poèmes historiques. Ce sont des blasons qui racontent, pour faire vite, la grande épopée du Portugal à travers ses rois navigateurs, à travers les grands découvreurs. Mmh. Voilà. C'est une traduction qu'on connaît pas très bien en France, mais enfin on connaît comme les noms de Vasco de Gama, de Magellan. Qui est omniprésente en revanche au Portugal. Bien sûr. Qui est même la source de la saudade. Voilà, bien entendu. Et alors pourquoi Hermès ? Parce que Hermès est celui qui va délivrer un message. Il a un message, c'est le message des dieux aux hommes. Le recueil s'intitule « Le message », mais c'est un message à la Pessoa, c'est-à-dire que si vous avez un message à faire passer, ben vous prenez votre micro, puis vous le dites. Bon. Seulement là, c'est un autre message, parce que le titre portugais « Mensagem », qui signifie « message », simplement, doit être lu à la manière d'un jeu, puisque c'est la contraction d'un vers de Virgile qui dit « Mens agit molem », autrement dit « l'esprit » porte ou fait se mouvoir la masse de la terre. Autrement dit, c'est plutôt un message politique ou historique. C'est plutôt un message, disons, messianique, si on veut, cette croyance, bien sûr portugaise, mais surtout dont Pessoa a fait sa matière, sa croyance que un nouvel empire allait éclore, qui mettra fin à cet échec répété de toute la civilisation occidentale. C'est le cinquième empire dont on parlera aussi demain dans l'émission. Le cinquième empire. Oui. Traitant de Pessoa et de son rapport avec son pays, le Portugal. Pessoa, c'est la poésie tout entière. Pascal de Thurins, il a joué tour à tour le rôle au fond de tous les poètes de son temps. Oui, c'est... Vous savez, quand j'ai découvert, j'avais 20 ans, alors évidemment, j'ai été soufflé. Hein. On peut l'être par Rimbaud quand on est plus jeune. Ça n'a pas été mon cas. Je l'ai été par d'autres poètes que lui. Et ce qui m'a tellement soulevé, je peux bien le dire, c'est le fait qu'il a considéré qu'une vie n'était jamais suffisante et qu'une poésie n'était jamais suffisante. Il les fallait toutes. reste encore 2 jours pour explorer tout cela. Merci beaucoup, Pascal de Turin, de nous avoir permis de mieux connaître quelques-uns des grands hétéronymes de Fernando Pessoa. Je rappelle que vous avez fait paraître en 2006 Pessoa, l'œuvre absolue, aux éditions Infolio. Vous êtes également l'auteur du livre L'œil du monde, image de la fenêtre dans la littérature et la peinture occidentale, paru en mars dernier aux éditions L'Atelier Contemporain. Demain, nous poursuivrons donc notre exploration de l'œuvre de Fernando Pessoa. D'abord dans son rapport avec son pays, le Portugal, puis sa ville de Lisbonne. Ce sera avec Judith Balso en première partie et Maria José de Lancastre en seconde partie. Mais tout de suite, c'est comme chaque jour la poésie et c'est évidemment avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Ce jour, trouvé devant ma porte un tas, un assemblage de boules compactes, un texte de Jean-Luc Parent. Toi qui as ouvert les yeux. Toi qui as ouvert ce livre pour faire glisser tes yeux sur mes lignes. Tu as allumé le feu sur les pages pour faire naître le jour sur mes mots. La lumière sur mes phrases. Il fait nuit, heureusement, il fait nuit dans tes yeux, car sinon tout brûlerait dans tes mains en ouvrant tes yeux. Il fait nuit dans tes yeux que tu ne vois pas dans leur nuit qui t'aveugle et qui te rend voyant devant toi pour voir le monde. Tu ne te vois pas parce que tu ne vois pas tes yeux pour voir le monde. Tu ne vois pas tes yeux pour ne pas rester sans cesse devant eux, pour ne pas rester sans cesse devant toi. Tu as choisi le monde pour ne pas t'arrêter à tes yeux seulement et rester figé devant eux. Tu as choisi de voir le monde plutôt que de voir tes yeux. Tu as choisi le dehors plutôt que le dedans. Comme si le dehors égalait le dedans, le dessus, le dessous, comme le jour, la nuit, et que le monde valait tes yeux et tes yeux le monde, et qu'il y avait sous la terre autant de nuits et de jours qu'il y en a au-dessus dans le ciel sans fin. Tu as choisi de voir le monde comme si tu avais déjà vu tes yeux et que tu avais été si loin en eux dans leur nuit et que tu étais arrivé à creuser en eux jusqu'à trouver le jour et le monde. Tu ne te vois pas parce que tu ne vois pas tes yeux. Voir les yeux, c'est voir le corps entier, c'est pouvoir voir autant la face que le dos, le devant et à la fois le derrière, le dessus et à la fois le dessous. C'est pouvoir avoir accès au tout. Plus loin dans le texte, dans cette alternance de jour et de nuit qui nous compose, dans le jour tu peux te mettre debout et te déplacer, courir et parcourir un espace infini plus vite que dans la nuit où tu ne peux pas te lever mais seulement ramper pour essayer encore d'avancer couché, en t'aidant de tes mains plus que de tes pieds, touchant plus que voyant, revenant sans cesse sur tes pas, restant au sol plus que t'échappant dans l'espace. Plus loin... Nous avons vu et nous nous sommes éloignés de tout. Note 1, dit Jean-Luc Parent. Je touche, je fais des boules, je tourne en rond. Je vois, j'écris, j'avance devant moi. Faisant allusion à l'activité artistique de Jean-Luc Parent, plasticienne, il fait des boules, effectivement, il sculpte des boules. Nous avons vu et nous nous sommes éloignés de tout, si loin de tout que nous avons lu, lu et relu ce que les mains ne touchaient pas, ce que les mains ne voyaient pas, si loin de tout que nous avons vu et revu ce qui restait inaperçu sous nos doigts, indéchiffrable sous notre peau, invisible sous nos mains. Note 2. Mes livres sont écrits dans une langue étrangère que personne ne connaît, une langue que personne n'a jamais apprise et que j'ai moi-même inventée pour pouvoir dire quelque chose que personne n'avait jamais dit. Mes livres sont intraduisibles. Je suis un étranger, un vrai étranger qui ne vient d'aucun pays connu, qui vient d'un pays qui n'existe pas sur la carte du monde. Je suis le seul étranger à venir de ce pays inconnu qui est le mien, ce pays où je vais... et dont je suis le seul habitant encore en vie. Jacques Bonafé, merci pour ces lectures de Jean-Luc Parent.